Exercice 3, page 34. A. Prends des abricots. B. Achète des oranges. C. Il faut des oignons. D. Tu aimes les asperges ? E. J'adore les amandes.